Génocide. Génocide. Un massacre se déroule au Congo sans que le monde en parle. Genocide. Bawela kakambongo ya Congo. Babosani valeur abato. Pona batuti oyo. Bien matériel et l'équimoto. La vie humaine n'a plus de valeur. Génocide. Devant le coltan, l'or et le diamant. Mais tout comme un d'accobilo kwebele. Boko les ali papa. Oko tikanyo sawana. Oko mokele na lo chasukaye. Oko me mate pome wangoteo. On veut exterminer tout un peuple pour ses richesses. Génocide. Génocide. Linga moninga lokola yo milinga. Quelle méchanceté. Et que la mouya nzambe lokola yo. Poninio poma ye bandeko. Génocide. Et Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi effacer l'image de Dieu? Tu finiras vraiment ta vie. Pour ces voyous, les biens matériels sont plus importants que les êtres humains. Génocide. Bah mon amour, il y bosonoé. Ces dictateurs. Bah commettez pas même mes bêtises. Ces tyrans. Et yabinote baninga. Vous finirez comme tous ces bandits. Génocide. La vie est un perpétuel recommencement. Qui vivra, verra. Qui sème le vent, récolte toujours la tempête. Des gens immondes. TR. Race des vipères. Sensu. Médiocre. Criminel. On élimine tout un peuple pour ses biens, pour sa terre. Genocide. Vanité de vanité, vous laisserez tout sur terre. Ah. Génocide. Pourquoi le monde est si méchant? Pourquoi le monde est si compliqué? Pourquoi les tout-il tué tant? En prison démoniaque. Génocide. Le soleil, la lune, la vérité ne peuvent être cachées. La vérité finit toujours par triompher. Génocide. Vous êtes les plus forts, les gangsters du monde. Mais au-dessus de vous, il y a plus fort. On tue au Congo, mais personne n'en parle. Génocide. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais plutôt par ceux qui regardent faire et ne disent rien. Et donc le monde entier est complice du génocide congolais. Pitié. Le mensonge est l'ami de Satan. Des millions de morts. Et la vérité est la tribu de Yahweh. Elle est où la libération tant décriée? Sangana moi na vérité mdi. Yoko kiko bomba yangote. Nyoso bokolo kana kukue. Eko bima na monda bato. Sori na bakoko bako yebre. La vérité fini a parti en fait. Koye langa ina popoto papa. Zoka yonde suka mobomye. Na mensonge oya satana. Toya meme motema yango etona kate makila ya bato mbongo masumu kosuka mape. Un bien mal acquis. Génocide. Zamba mokili tale la Congo na yo. Mokili ya bato etika la Congole. Bana ya Congo toyokana tolingana eh. Bana ya Congo toyokana tolingana eh. Génocide.